Les cours du Collège de France, histoire de l'art européen médiéval et moderne, Roland Recht. Alors je voudrais pour commencer ne pas faillir à l'usage et vous souhaiter à tous une très bonne année. Tous ceux qui sont présents et tous ceux qui vont regarder ce cours ou l'écouter. Alors évidemment une année pour l'historien ce n'est pas grand-chose dans la longue durée, mais vous savez aussi qu'à titre personnel une année peut être absolument décisive pour beaucoup de choses. Je souhaite qu'elle soit décisive pour vous, dans un sens évidemment absolument favorable. Quant à moi, c'est la dernière année de cours au Collège de France, et c'est donc aussi une année décisive d'une certaine manière pour ma modeste personne. Alors, cela ne veut malheureusement pas dire que je vais mettre un point final à ce cours que j'envisageais sur plusieurs années. On pourrait encore imaginer pendant 1, 2, 3 ans parler de ce thème, car au fur et à mesure que nous avançons dans la chronologie, les historiens de l'art sont devenus de plus en plus nombreux, les méthodes se sont multipliées, les débats, parfois les querelles de chapelle aussi se sont multipliées entre les différentes tendances au sein même de cette discipline, ce qui montre en tout cas son excellente santé. Alors, je vous signale d'une manière très schématique, et cependant c'est ce programme-là que nous suivrons, quel est le plan de ce cours cette année. Eh bien, la première séance sera consacrée, après un retour rapide à Winckelmann, à la question des antiquaires, c'est-à-dire ces hommes qui se sont consacrés à l'étude du monde ancien, des mondes anciens. La deuxième heure sera sans doute consacrée à la même question, mais en essayant de la prolonger d'une façon chronologique, même jusque dans les années 1830, car c'est à ce moment-là, c'est un tournant même entre 1820 et 1830, c'est à ce moment-là que la France, d'ailleurs par la voie de la Normandie, introduit et tout un vocabulaire et tout un ensemble de conceptions du monument tel que l'avait déjà élaboré l'antiquariat anglais. Le troisième cours sera consacré à la découverte des primitifs, ou la redécouverte des primitifs, aussi bien en Allemagne qu'en Italie et en France, et qui pose évidemment le problème des nationalisme, mais cette question des nationalismes ne peut pas être évacuée lorsqu'on parle d'histoire de l'art. Ce sont deux données absolument liées. Le cours suivant sera consacré à une question que j'ai intitulée les musées de papier. Eh bien, ces musées de papier, ce sont des grands projets éditoriaux qui ont marqué l'entrée du XIXe siècle, en particulier avec Milin, avec Séroux d'Agincourt, avec le comte de Laborde et Taylor et Nodier pour les fameux voyages pittoresques dont vous avez tous entendu parler. Ensuite, après les musées de papier, nous arriverons au cinquième cours, et le cinquième et le sixième seront l'un et l'autre consacrés au véritable début de l'histoire, je ne dirais pas de l'histoire de l'art, parce que vous allez me rétorquer que j'ai annoncé à plusieurs reprises la naissance de l'histoire de l'art à différentes époques de l'histoire, mais il s'agit de des premières histoires générales de l'art, ce qui est un aspect tout à fait nouveau de cette entreprise historiographique. Et je pense donc que ce cours prendra facilement 2 heures. Et puis, il y aura une pause d'une semaine, et enfin, je terminerai par une leçon terminale, comme son nom l'indique, que je consacrerai à un aspect très particulier de notre travail, et en particulier de mon travail. Pour l'instant, je n'en dirai pas plus. Donc, regarder l'art, en écrire l'histoire, troisième partie. Nous avons en effet terminé l'an dernier sur la figure de Winckelmann, en disant que, évidemment, son histoire de l'art chez les anciens marquait vraiment une étape essentielle dans la pensée historique de l'art, et dans l'élaboration d'un système, c'est-à-dire non plus simplement d'une sorte de collection des textes anciens, une sorte d'anthologie des textes antiques sur l'art, qui sont très nombreux, ce que les hommes du XVIe, XVIIe siècle avaient déjà fait, mais plus exactement, voilà quelqu'un, Winckelmann, qui se tourne vers les monuments eux-mêmes, qui va les examiner, qui va les contempler longuement, qui va les décrire, et cette expérience personnelle qu'il fait devant les œuvres, il l'intègre dans son histoire de l'art. C'est-à-dire que l'histoire de l'art de Winckelmann est au fond un ouvrage qui tient à la fois de la théorie de l'histoire, indiscutablement, j'en ai déjà parlé, qui tient de l'histoire de l'art antique en tant que récit, et qui tient aussi de ce qu'on pourrait appeler la littérature d'art, c'est-à-dire un aspect plus davantage tourné vers l'écriture, l'effort d'écriture, non seulement l'effort de conceptualisation, mais l'effort d'écriture. Winckelmann a été très souvent caractérisé comme un poète, un écrivain de grand talent, indiscutablement, et parfois même comme le second inventeur de la langue allemande, après Luther. Vous voyez qu'on a fait à Winckelmann, de Winckelmann un éloge considérable. Le philosophe allemand Herder a déclaré au moment où Winckelmann publiait son livre que Winckelmann s'était trouvé, je cite, dans une forêt de 70 000 statues et bustes, peut-être, que l'on comptait alors à Rome. Le chiffre en est peut-être un peu excessif, mais ce qui est certain, c'est que Herder voyait là, voulait marquer par cette phrase, à la fois les qualités, je dirais, d'explorateur de Winckelmann. Il s'est comporté, au fond, d'une certaine manière, comme un ethnographe ou un ethnologue de l'art, et en même temps, quelqu'un qui avait à trier, si je puis dire, à faire son choix au milieu de ses œuvres pour savoir lesquelles compteraient dans l'histoire de l'art ancien. Son œuvre ne peut pas être considérée, dit Herder, simplement comme une vaste ruine ou comme le tableau d'une ruine, mais comme une histoire de l'art, donc comme un système. Mais un autre contemporain, Christian Gottlob Heyne, je vous ai écrit ces noms là pour qu'il n'y ait pas de problème d'orthographe, lui, de son côté, considère que Winckelmann, dans l'établissement de son répertoire, s'est en effet comporté tel un explorateur de la nature qui procède selon un principe de classification. Alors, je parlais de tri. La classification est un moment essentiel dans cette approche de ces œuvres antiques, qui formaient un immense continent, seulement très partiellement connu. Alors, c'est par cette idée de classification que commence la science, d'une certaine manière. Dans son voyage en Italie, Goethe, auquel je reviens de temps à autre, évoque, en date du 3 décembre 1786, je cite, une courte citation, « Même les antiquités romaines commencent à m'intéresser, dit Goethe. L'histoire, les inscriptions, les médailles, auxquelles je ne m'intéressais pas par ailleurs, tout semble se rapprocher. Tout se passe ici à Rome, comme cela se passait dans l'histoire naturelle, car toute l'histoire du monde entre ici en relation, et je considère le jour où j'ai pénétré dans Rome comme une seconde naissance, il emploie le terme allemand de Wiedergeburt, une véritable renaissance. » Pas exactement ainsi qu'il faudrait le traduire, mais c'est le sens étymologique du terme allemand. Quelques jours plus tard, le 20 décembre, Goethe évoque la visite qui lui a été faite par un antiquaire et en même temps un théologien, le docteur Münter, qui a, dit Goethe, collectionné de belles médailles et qui possède un manuscrit qui ramène la science des médailles et des caractères aussi précis que ceux qui ramènent, oui c'est ça, la science des médailles a des caractères aussi précis que ceux de Linné. Linné, Carl von Linné, le savant naturaliste suédois dont j'aurai l'occasion de parler encore à plusieurs reprises. Donc il compare cette opération de classement des médailles, de documents qui, par conséquent, servent à la connaissance de l'histoire du monde antique et de l'art, bien entendu aussi, antique. Il compare cette opération à celle qu'a faite Linné, c'est-à-dire qu'il a fait, en effet, une classification du monde naturel. Alors, à cette crise, à cette pensée classificatrice du XVIIIe siècle, il y aura une réaction. Et cette réaction, ce sera de passer de la classification à la temporalisation, c'est-à-dire à inscrire les choses dans le temps. Les représentations de processus, par conséquent, vont se substituer à ce qui était jusque-là des tableaux, hein, des tableaux de classement, ou plus exactement de classification. C'est le chemin qui va mener les hommes, au cours du XVIIIe, de l'histoire naturelle à l'histoire de la nature. Les Allemands ont une terminologie qui est plus facile peut-être de saisir, c'est l'histoire naturelle, c'est la Naturgeschichte, et l'histoire de la nature, c'est la Geschichte der Natur. Ce sont deux notions totalement différentes. L'histoire naturelle, c'est la manière de concevoir tout objet dans ses relations avec le reste du monde et avec l'homme, bien entendu. Donc cette histoire, en fait, c'est aussi une description de la faune, de la flore, du minéral, etc. etc. Alors déjà, un des premiers biographes de Winckelmann avait noté, il s'agit de Justi, Karl Justi, avait noté que il est le dernier sur ma liste au tableau, que chez Winckelmann régnait une certaine confusion entre histoire et théorie. Confusion qui, en effet, est aussi sensible dans l'histoire naturelle du XVIIIe siècle. Longtemps, concevoir une historicité de la nature consistait à lutter contre des résistances d'ordre cognitif et théologique. Alors Diderot, par exemple, trouve un compromis entre ces deux problèmes, ces deux aspects de l'attitude vis-à-vis de la nature, en disant que ce n'est pas la nature qui a une histoire, mais la science de la nature. Et il y a là une distinction extrêmement importante qui tend, en effet, à donner à l'histoire sa place en tant que telle. Alors, en ce qui concerne cet aspect tellement essentiel qu'est la description des œuvres d'art, nous avons vu, dans cette longue évocation qui a commencé il y a maintenant deux ans, nous avons vu que les premières personnalités à s'intéresser à l'art dans son histoire était essentiellement intéressée par l'évocation de noms, la juxtaposition de noms propres, l'élaboration de courtes biographies et l'exaltation de la gloire, municipale ou nationale. La description des œuvres relève d'un autre registre, c'est-à-dire à la fois d'une attention nouvelle aux œuvres d'art et d'un souci de faire passer dans l'ordre du concept et du langage ce qui est de l'ordre du visuel. Comment des formes, comment des configurations formelles peuvent-elles être traduites dans le langage? Et en parlant de Winckelmann, je n'avais pas eu l'occasion l'an dernier d'insister sur la mutation qui s'opère dans sa pensée entre deux formes de description. Mutation qui nous fait assister, en fait, je crois réellement, à la naissance d'une histoire de l'art. C'est-à-dire que d'une conception de la description à une autre, il nous fait entrer dans ce qui est vraiment l'originalité de son livre, à savoir que des descriptions extrêmement sensibles, mobilisant souvent un vocabulaire extrêmement nouveau, nous conduisent peu à peu à passer d'une œuvre à l'autre, en même temps que ces œuvres sont inscrites dans une trame narrative. Alors, je vais d'abord vous lire une description du torse du Belvédère, ce torse que nous avons regardé l'an dernier, mais je vais vous le remontrer là pour les nouveaux auditeurs. Cette description du torse du Belvédère que Winckelmann donne en 1759, et une telle description est faite, selon lui, selon l'idéal. Alors, lisons-la ensemble. Le premier coup d'œil ne te fera peut-être rien voir qu'un bloc de pierre informe. Cependant, pour peu que tu sois capable de pénétrer les secrets de l'art, tu entreverras l'un de ces prodiges en posant sur cette œuvre un regard serein. Hercule t'apparaîtra alors, il pensait encore que le torse du Belvédère représentait Hercule, interprétation iconographique qu'on a revue depuis. Hercule t'apparaîtra alors comme au milieu de ses multiples entreprises. Cette œuvre rendra visible tout à la fois le héros et le dieu. Alors, juste pour mémoire, voici ce torse du Belvédère dans son état actuel. L'artiste a commencé là où les poètes se sont arrêtés. Cette phrase est très intéressante. Il veut dire par là que les poètes qui ont parlé du dieu Hercule, à un moment donné, n'ont pas pu donner toute la dimension du personnage historique, mythologique et légendaire. Et c'est par conséquent l'artiste, le sculpteur, ça pourrait être le peintre, qui prend en quelque sorte le relais du poète. Alors ces derniers, donc ces poètes, se taisent dès que le héros est admis parmi les dieux et devient l'époux de la déesse de l'éternelle jeunesse. Mais l'artiste, lui, nous montre un Hercule doté d'une forme divine et d'un corps, pour ainsi dire, immortel, bien qu'ayant conservé la puissance et la légèreté que requéraient les travaux accomplis. Il y a là, donc, passage d'une évocation poétique qui ne peut que se faire succéder, je dirais, des images très évocatrices dans l'esprit du lecteur, mais qui ne vont jamais jusqu'à donner forme, jusqu'à incarner, en quelque sorte, ce personnage mythologique lorsqu'il est devenu Dieu. Le passage du statut héroïque au statut divin a entraîné le passage d'un ordre de l'imagination, la poésie, à un autre, la création plastique. Dans les contours puissants de ce corps, je distingue la force invaincue de celui qui abattit les géants après leur révolte contre les dieux dans les champs phlégréens, en même temps des formes douces de ses contours qui confèrent légèreté et souplesse à la structure du corps, me rappellent ses prestes volte-face dans son combat contre Achélos qui, malgré de multiples métamorphoses, ne put échapper à ses mains. À travers chacune des parties de ce corps, le héros tout entier, comme dans un tableau, se révèle en train d'exécuter l'une de ses actions. On va maintenant suivre le texte de Winckelmann comme une sorte de description d'un paysage, si vous voulez. C'est comme si on était dans une description géologique, à la limite. Enfin, le corps devient un espace dont chaque endroit évoque un fait glorieux de son histoire. De même que la construction réfléchie d'un palais fait apparaître ses justes objectifs, de même chaque partie de la statue laisse entrevoir à quelle action elle a été utile. Je ne peux considérer le peu qu'il reste encore de l'épaule sans me rappeler que la voûte céleste a reposé sur ses forces déployées comme sur deux montagnes. Quelle grandeur dans le gonflement de la poitrine et quelle admirable beauté dans l'arrondi naissant de sa cavité. C'est sans doute par cette poitrine que le géant Anté et le géant Gérion, aux trois troncs, ont été écrasés. Aucune autre poitrine, ni celle d'un champion trois ou quatre fois couronné aux Jeux olympiques, ni celle d'un vainqueur issu de Sparte et fils de héros, n'arborera cette magnificence et ce galbe. Alors, dans cette description, il y a deux éléments extrêmement importants. C'est en effet ce passage, comme je l'ai dit, de la poésie ou de la littérature, si vous préférez, des mots, en quelque sorte, du langage, à une image, image sculptée, ici. Ça, c'est un premier élément, comme si le sculpteur avait un pouvoir supérieur, peut-être, mais certainement différent de celui du poète. Et la deuxième donnée importante que nous livre Winckelmann dans ce texte, c'est évidemment cette comparaison entre le corps de cette figure et ce qui serait un tableau ou ce qui serait un palais, une architecture. Moi, j'ai parlé de géographie ou de géologie. En tout cas, quelque chose qui occupe un espace, c'est pas qui se déploie dans l'espace et dont chaque partie évoque un moment de son histoire propre. Mais Winckelmann ressent aussi la nécessité de procéder à un autre type de description. Car vous avez noté que dans la description que nous venons de lire, au fond, bien sûr, il est question du travail de l'artiste sculpteur, mais l'œuvre d'art en tant que telle n'est pas décrite. C'est-à-dire, nous n'avons pas ici la perception des nuances qui rendent cette œuvre particulièrement belle par rapport à d'autres sculptures, par exemple. Donc, il pense procéder aussi à des descriptions, non plus selon l'idéal, mais selon l'art, dit-il, qui doivent former le complément nécessaires des précédentes. Et ces descriptions doivent être non poétiques, non psychologisantes, non narratives. Il cherche là à rédiger des textes qui restent au plus près de la réalité, j'allais dire, matérielle de l'objet. Et il est très intéressant de signaler que ces essais sur la description selon l'art ont été trouvées dans les archives florentines. Et lorsqu'elles ont été découvertes, on a cru qu'il s'agissait, en fait, qu'elles étaient des versions préalables aux descriptions que je viens de lire. Or, il n'en est rien, en fait. Ces descriptions, selon l'art, appartiennent à une phase ultérieure. Donc, ce ne sont pas du tout des projets de description selon l'idéal, c'est une phase ultérieure, et où Winckelmann s'intéresse à la question du faire artistique, mais aussi à la localisation des œuvres dans l'espace et dans l'histoire. Alors voici un passage d'une de ces descriptions, cette fois de l'Apollon du Belvédère. Cette manière de travailler les cheveux est celle des Grecs de la meilleure époque, car dans les temps les plus anciens, ces derniers possédaient une façon étriquée et rigide. Ils donnaient à leurs cheveux une allure mouillée, à la manière des Égyptiens et des Étrusques. Comparé, entre parenthèses, le bas-relief de Callimaque au Capitole. À l'époque de Phidias et d'Alexandre, cependant, ils mirent de la souplesse dans le traitement des cheveux. Sous l'Empire romain, cette façon fut de nouveau abandonnée. De l'époque de Néron à celle de Trajan, on retomba quelque peu dans le tout premier goût. Mais lorsque l'art fut descendu plus bas encore, les artistes mirent plus d'application dans ces choses subalternes, donc le traitement de la chevelure, et davantage de négligence dans les choses plus importantes. C'est pourquoi nous trouvons de Marc Aurèle à Septime Sévère et Caracalla les cheveux les plus méticuleux. C'est une analyse extrêmement intéressante qui est en effet de l'ordre de l'histoire de l'art, du formalisme propre à une certaine histoire de l'art, puisqu'en quelques lignes, il trace d'une manière, je dirais, très rapide et très arbitraire. Il se trompe, il commet beaucoup d'erreurs dans ce qu'il dit. Néanmoins, il fait l'effort de tracer une sorte d'histoire du traitement de la chevelure dans la sculpture antique. En quelques aperçus qui sont finalement qui contiennent finalement une leçon pour l'histoire de l'art, à savoir que les périodes de décadence ne doivent pas entraîner nécessairement l'abaissement de la qualité plastique, et que il y a une sorte de il sous-entend qu'il y a une sorte d'équilibre, de compensation, de pondération entre les choses subalternes et les choses plus importantes, et que la décadence entraîne un raffinement dans les choses subalternes et au contraire une baisse de qualité dans les choses importantes. C'est une très belle idée, c'est une idée qui n'est pas du tout fausse, même s'il faut, il ne faut surtout pas la généraliser. Donc au fond, ce qu'il a fait ici, c'est d'entreprendre une véritable étude stylistique historique. Donc l'histoire du style. Voilà, donc c'était ces aspects de Winckelmann que je voulais encore, sur lesquels je voulais absolument revenir, avant de poursuivre. Et l'articulation avec la véritable première partie de ce cours, de cette année, c'est-à-dire avec l'apparition des grandes figures d'antiquaire, la transition est relativement aisée. Vous allez voir pourquoi. J'opère un léger retour en arrière. J'avais déjà, l'an dernier, défini l'antiquaire, en décrivant en particulier les travaux menés à Rome au milieu du XVIe siècle, sous l'instigation de la Curie romaine, afin de conserver tous les témoins des origines de la chrétienté, en particulier de Saint-Pierre de Rome. Mais le terme « antiquarius » désigne quelqu'un qui s'intéresse aux monuments, aux témoignages matériels, à l'histoire de l'art et à l'histoire naturelle, à l'ethnographie et, je dirais, accessoirement à l'art. Je dis l'histoire de l'art, mais à l'art lui-même, souvent, cela reste encore très accessoire, surtout au milieu du XVIe siècle. Alors, celui que l'on considère comme le premier historien de la France, historien André Duchesne, historiographe du roi Louis XIII, qui a publié en 1618 sa bibliothèque des auteurs qui ont écrit l'histoire et la topographie de la France, c'est aussi celui qui, dès 1609, donc tout au début du XVIIe siècle, a publié un ouvrage dont je vous donne ici le titre, « Les antiquités et recherches des villes, châteaux et places plus remarquables de France », avec une édition revue et corrigée par son fils ultérieurement, qui était lui-même historien. Alors, dans ce livre, que j'ai regardé d'une manière très attentive, parce que je voulais effectivement voir comment était traité chaque monument lorsqu'il l'évoque, eh bien, dans ce livre, pratiquement aucune attention n'est accordée aux monuments religieux, par exemple, sauf pour signaler qu'ils possèdent telle ou telle relique fameuse, ou que ces monuments ont été administrés par tel ou tel abbé ou évêque. Donc c'est toujours par rapport à l'histoire, et le monument lui-même n'intéresse pas véritablement Duchesne. C'est une situation qui, au début du XVIIe siècle, dans l'historiographie française, est absolument normale. Et en étudiant un peu Winckelmann, j'avais eu l'occasion au moins de vous signaler l'an dernier qu'il avait un ennemi, une sorte de bête noire qui, on ne s'en étonnera pas, était français, ou était française, la bête, car Winckelmann était très hostile aux Français, il n'aimait pas beaucoup les Français, et cet homme, c'était Caylus. Caylus, dont, malgré l'animosité qu'il lui portait, il a reconnu un jour qu'il lui revenait, je cite, « d'avoir pénétré l'essence du style des anciens peuples ». Tout de même reconnu la grande sagacité de son contemporain. Alors, en fait, l'œuvre, les publications de Caylus, dont je vais vous entretenir, ne peuvent pas vraiment être comparées à l'histoire de l'art chez les anciens de Winckelmann. Ce sont des ouvrages qui se trouvent à deux pôles éloignés l'un de l'autre. Et si on pouvait comparer une œuvre de Winckelmann à aux publications de Caylus, ce serait les Monumenti Antichi Inediti de 1767, où il y a effectivement un effort d'antiquaire, je dirais, où Winckelmann revêt vraiment le vêtement d'un antiquaire. Étude attentive des objets eux-mêmes, surtout tournée d'ailleurs vers l'iconographie des médailles qu'il étudie, notamment iconographie qui n'intéresse pas beaucoup Caylus. D'autre part, les deux régimes textuels que constituent la narration historique d'une part et la narration descriptive, ou la description, ces deux régimes obéissent à deux conceptions du temps qui sont parfaitement hétérogènes, mais qui, ensemble, forment le récit de l'histoire de l'art. Je l'ai dit à plusieurs reprises, la conception de la description de l'œuvre d'art joue un rôle central dans la définition d'une histoire de l'art. Or, la description est un élément essentiel dans le travail de l'antiquaire. Comme aujourd'hui, elle est un travail essentiel dans le travail de l'archéologue. Et au fond, l'archéologue moderne, d'une certaine manière, est le descendant de l'antiquaire des 16e, 17e, 18e siècles. Alors, l'œuvre du comte de Caylus est une claire illustration d'une ambition d'antiquaire entièrement tendue vers l'examen minutieux des objets. Sa construction de l'histoire repose sur la subdivision historique suivante, que reprendra d'ailleurs Winckelmann, les Égyptiens, les Étrusques, les Grecs et les Romains. Alors, Caylus, je vais afficher son nom, sa date de naissance et de mort dans un instant. Caylus est un homme extrêmement intéressant, personnalité très intéressante. Au fond, beaucoup plus diversifié dans ses intérêts, dans sa curiosité, que Winckelmann lui-même. C'est aussi un homme loin des systèmes. Donc, il est, d'une certaine manière aussi, éloigné de Winckelmann pour cette raison. Il a voyagé, il a fait le voyage en Italie, là, Winckelmann le fera aussi, bien sûr, mais il est même allé jusque vers Constantinople, sans voir néanmoins la Grèce, ce qui lui aurait donné un avantage considérable sur Winckelmann, qui n'a jamais été en Grèce. Il a correspondu avec quelques grands collectionneurs de son temps, par exemple avec Mariette. Il se lie avec Watteau, avec Crozat. Caylus va graver les 1500 monnaies et pierres qui composent le cabinet du roi. Il les grave lui-même, donc c'est aussi un artiste. Et il protège les artistes contemporains. Ça, c'est une chose extrêmement intéressante. C'est cet intérêt pour le monde contemporain, pour l'actualité artistique. Ainsi, il était le protecteur d'artistes comme Greuze, Pajou, Van Loo, Vassé, Lépicier, Vien, donc des très grands artistes, des très bons artistes. C'est à lui qu'on doit, d'une certaine façon, la découverte de Bouchardon, du sculpteur. En 1731, il est membre de l'Académie de peinture et de sculpture. En 1742, il est admis à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, où il fera de très nombreuses communications. Encore qu'il a, il est caractérisé aussi par de grandes lacunes qui ne font pas vraiment de lui une figure très évidente du XVIIIe siècle, érudit. Il savait très mal le latin, il ignorait le grec, et il n'était pas un très bon épigraphiste. Néanmoins, il va entreprendre la publication de son recueil d'antiquités égyptiennes, grecques, étrusques et romaines à Paris en 1752. Paraîtront 6 volumes de son vivant, un 7e posthume en 1767. Et ici, j'extrais un passage du septième et dernier volume qui donne un peu la position intellectuelle de Caylus. Je ne me flatte assurément pas d'éclairer un pareil monument, quelque monument qu'il soit. Je tente une autre voie et je me renferme uniquement dans les descriptions. Elles sont moins brillantes que les systèmes, mais elles servent au moins à fixer l'attention de celui qui veut étudier et à lui donner des moyens, les moyens d'employer la comparaison des détails et d'aller plus loin que celui qui les présente. En d'autres termes, une bonne description sera une sorte de protocole qui peut même et qui doit survivre à la disparition d'un objet matériel, d'une œuvre, protocole sur lequel les progrès de la connaissance ultérieure pourront prendre appui. D'une certaine façon, il nous a bien défini là le travail de l'antiquaire comme analogue au travail du savant naturaliste. Précisément, dans ce parallèle entre les deux, savant naturaliste et antiquaire, il faut peut-être rappeler qu'en 1752 a été créée la première chaire de physique expérimentale au Collège de Navarre, c'est-à-dire au Collège de France, à Paris, pour l'abbé Nollet. L'abbé Nollet qui était un élève de Réaumur et qui a publié justement des leçons de physique expérimentale de 1743 à 1748. Ce sont des moments très importants dans la vie intellectuelle en France que, évidemment, quelqu'un comme Caylus ne pouvait pas et n'ignorait absolument pas. Il faut aussi penser à comparer l'entreprise de Caylus et le dictionnaire historique et critique de Pierre Bell, paru en 1696-97, qui soumet toute donnée à la discussion et, je dirais, à la contre-épreuve. C'est une philosophie de la critique de l'histoire qui fait de l'œuvre de Pierre Bell un moment tout à fait important de ce qu'on a appelé aussi le pyrrhonisme. J'y reviendrai encore dans un instant. D'autre part, c'est le moment où les sciences naturelles trouvent en Buffon non seulement un des plus grands savants de toute l'histoire même, mais aussi quelqu'un qui pense précisément à ces deux instances essentielles de sa discipline, à savoir l'observation et la description. Les travaux de Buffon, son histoire naturelle, c'est avant tout un effort immense de faire passer le monde de la nature au plan du langage. D'ailleurs, dans son premier discours de l'histoire naturelle générale de 1749, j'avais donné cette citation, je crois, déjà l'année dernière, Buffon dit ceci: l'histoire doit suivre la description et doit uniquement rouler sur les rapports que les choses naturelles ont entre elles et ont avec nous. Donc voilà, le but de cette histoire, c'est de décrire, et dans la description entre la relation qu'entretiennent les objets les uns avec les autres, les choses naturelles, les unes avec les autres ou avec nous-mêmes. Buffon insiste, je cite, sur la description exacte et l'histoire fidèle de chaque chose, qui doivent donc suivre la description. Primauté de l'expérience, nous sommes toujours dans la même lignée que Réaumur, Nollet, etc. Et voici ce qu'écrit Buffon dans De la manière d'étudier et de traiter l'histoire naturelle, où il faut, dit-il, d'abord réunir les objets, c'est-à-dire les échantillons de tout ce qui peuple l'univers. Oui, voici les références de l'abbé Nollet et de Pierre Bel. Je ne vous ai pas parlé de Werner, faute de temps, je vois que le temps tourne. Et voici ce texte de Buffon. On ne s'imagine pas qu'on puisse, avec le temps, parvenir au point de reconnaître tous ces différents objets, qu'on puisse parvenir non seulement à les reconnaître par la forme, mais encore à savoir tout ce qui a rapport à la naissance, la production, l'organisation, les usages, en un mot, à l'histoire de chaque chose en particulier. C'est ce qu'il appelait tout à l'heure les choses qui roulent comme ça à l'intérieur d'une relation les uns avec les autres. Cependant, en se familiarisant avec ces mêmes objets, en les voyant souvent, et pour ainsi dire, sans dessin, ils forment peu à peu des impressions durables, qui bientôt se lient dans notre esprit par des rapports fixes et invariables. Et de là, nous nous élevons à des vues plus générales, par lesquelles nous pouvons embrasser à la fois plusieurs objets différents, et c'est alors qu'on est en état d'étudier avec ordre, de réfléchir avec fruit, et de se frayer des routes pour arriver à des découvertes utiles. Alors, cette description du travail du naturaliste, du savant naturaliste, c'est exactement ce que pourrait dire Caylus. On pourrait remplacer science de la nature par les curiosités antiquaires de Caylus. C'est aussi cette façon de dire les choses nous rappelle un peu le discours de la méthode de Descartes, à la fois il faut avoir une capacité à voir l'ensemble, mais à distinguer aussi le détail. Buffon poursuit. Dans les choses naturelles, il n'y a rien de bien défini que ce qui est exactement décrit. Or, pour décrire exactement, il faut avoir vu, revu, examiné, comparé la chose qu'on veut décrire, et tout cela sans préjugés, sans idée de système, sans quoi la description n'a plus le caractère de la vérité, qui est le seul qu'elle puisse comporter. Le style même de la description doit être simple, net et mesuré. Il n'est pas susceptible d'élévation, d'agrément, encore moins d'écart, de plaisanterie ou d'équivoque. Le seul ornement qu'on puisse lui donner, c'est de la noblesse dans l'expression, du choix et de la propriété dans les termes. Magnifique définition du travail savant de l'antiquaire, du naturaliste d'abord, bien sûr, de l'antiquaire et de l'historien, d'une certaine façon. Buffon était aussi très apprécié par Winckelmann. Winckelmann a beaucoup lu Buffon, l'a beaucoup médité et a beaucoup retenu ses leçons, comme celles que je viens d'indiquer ici. Dans l'encyclopédie de Diderot d'Alembert en 1751, Diderot décrit le cabinet d'histoire naturelle. Vous savez que ces cabinets d'histoire naturelle étaient extrêmement nombreux à cette époque. Et dans cette description, il proclame la nécessité de l'expérience optique des objets. Le cabinet, dit-il, est un abrégé de la nature entière qui doit pouvoir se laisser voir d'un coup d'œil. Et Diderot cite longuement Daubenton, un autre grand savant de ce temps, naturaliste, et il dit « Si on voulait imiter les dispositions naturelles, aucun cabinet ne serait assez grand. On est donc obligé, poursuit-il, afin d'éviter la confusion, d'employer un peu d'art, pour faire de la symétrie ou du contraste. » Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est l'équivalent, dans l'organisation du cabinet d'histoire naturelle, du travail de l'écrivain qui s'empare du monde naturel, enfin de Buffon, par exemple. Il faut mettre un peu d'art, de la symétrie ou du contraste, pour bien faire comprendre, pour bien mettre en évidence les objets, mais c'est tout. Et lorsqu'on veut entrer dans une suite déjà constituée, parce que ces cabinets classaient, évidemment, les objets du monde minéral ou du monde de la faune ou de la flore, lorsqu'on arrive dans son cabinet avec une nouvelle pièce, dans une suite déjà constituée, une espèce qui manque, il faut que tout soit déplacé. Diderot poursuit, on apprend toujours quelque chose de nouveau en rangeant méthodiquement une collection. Car dans ce genre d'études, plus on voit, plus on sait. Avis aussi aux amateurs de désordre. On peut dire que, au XVIIIe siècle, la poussée empirique qui conduit la botanique, par exemple, et ou l'histoire du droit, qui de plus en plus va s'appuyer sur l'examen de cas spécieux, tend à s'émanciper aussi, et le droit et la botanique, et bien d'autres disciplines, tendent à s'émanciper des textes classiques dont ces disciplines étaient souvent simplement une paraphrase, tout cela en faveur de l'examen. Donc, multiplication des expériences, augmentation du savoir, tels sont les deux problèmes centraux des sciences. C'est ce qui va également se passer dans le domaine de l'histoire. Mais ce n'est pas tout. L'auteur d'une bonne description, selon Caylus, nous en sommes toujours à Caylus, doit aussi avoir une certaine familiarité, dit-il, avec les artistes. Avec les artistes, bien entendu, vivants. Avec les ateliers d'artistes. Par exemple, Caylus écrit dans une communication à l'Académie des inscriptions et belles-lettres à propos de deux tableaux de Polygnote donnés par description de deux tableaux donnés par Pausanias, il écrit ceci. Telle est la description que donne Pausanias de deux tableaux célèbres et qui ont fait l'admiration de la Grèce. Mais il paraît bien que cet auteur, rempli d'érudition, manquait des connaissances nécessaires pour rendre les ouvrages des grands maîtres. Quelle confusion, quelle sécheresse, quelle froideur dans sa description. Qu'il est différent de ces écrivains qui, par une justesse d'esprit naturel, jointe au commerce des artistes, nous ont décrit des tableaux avec ce même feu d'imagination qui avait embrasé le pinceau du peintre. Il veut retrouver, en quelque sorte, dans le travail du cabinet de l'antiquaire, en train d'essayer de décrire les objets qu'il a devant lui, de retrouver le feu qui a animé l'artiste lui-même en créant les œuvres. La fréquentation des artistes permet en particulier de connaître les termes techniques nécessaires à une bonne description. Le recueil des antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines de Caylus est la publication en partie de cette propre collection, mais sa propre collection bougeait énormément, il acquérait des objets, il en revendait, en cédait, ou aussi de nombreuses pièces qu'on lui prête. Il dit très souvent dans ses livres, voici des objets qu'on m'a prêtés, des bustes qu'on m'a prêtés, ou des médailles qu'on m'a prêtées, le temps que je les étudie, que je les classe et que je les publie. Alors, dans son épître dédicatoire de l'ouvrage du recueil des antiquités, il s'adresse ses confrères de l'Académie des inscriptions en disant ceci. Avant que vous m'eussiez fait la grâce de m'admettre parmi vous, je ne regardais que du côté de l'art, ces restes de l'antiquité savante échappés à la barbarie du temps. Vous m'avez appris à y attacher un mérite infiniment supérieur, je veux dire celui de renfermer 1000 singularités de l'histoire, du culte, des usages et des mœurs que ces peuples fameux, qui, par la vicissitude des choses humaines, ont disparu de dessus la terre, qu'ils avaient rempli du bruit de leur nom. C'est un peu de la flagornerie, je dirais ici, parce que, en réalité, ce qu'il dit là n'est pas tout à fait vrai. Il dit ailleurs, dans une autre partie de ses livres, de ses volumes successifs, qu'il a été très sensible à première vue à l'intérêt que les objets qu'il avait sous les yeux, les médailles par exemple, les monnaies, avaient pour l'histoire, mais qu'ensuite il s'est rendu compte aussi de la valeur artistique de ces objets. Je dis exactement l'inverse de ce qu'il dit ici, mais ceci est nécessaire dans l'épître dédicatoire aux académiciens parce que les académiciens attendent de lui de l'érudition d'historien qui éclaire l'histoire à l'aide des objets qu'il étudie. Chaque pièce est mesurée, pesée, décrite, dessinée, gravée aussi, ce qui est une autre modalité de connaissance des objets. C'est pas le dessin lui-même, ceux qui parmi vous le pratiquent savent que quand on dessine un objet, même si on ne dessine pas très bien, on a une autre façon de le regarder. Et donc tout ceci entre dans cet immense chantier, cet atelier de Caylus. Il mentionne aussi la provenance, quand il la connaît, le lieu et la date de la découverte, et il mentionne le nom du propriétaire. Ces descriptions lui donnent l'occasion de donner quelques aperçus sur les différents peuples, analyser le climat parfois, la géographie du pays d'origine. Bref, tout cela tourne autour de tous les intérêts qui mobilisent l'historien au XVIIIe siècle. Je voudrais qu'on cherchât moins à éblouir qu'à instruire et qu'on joignît plus souvent au témoignage des anciens la voie de comparaison qui est pour l'antiquaire ce que les observations et les expériences sont pour le physicien. Vous voyez cette phrase très importante. La voie de comparaison qui est pour l'antiquaire ce que les observations et les expériences sont pour le physicien. L'inspection de plusieurs monuments, rapprochés avec soin, en découvre l'usage, comme l'examen de plusieurs effets de la nature combinés avec ordre, en dévoile le principe. Et telle est la bonté de cette méthode, que la meilleure façon de convaincre d'erreur l'antiquaire et le physicien, c'est d'opposer au premier de nouveaux monuments et au second de nouvelles expériences. Mais au lieu que le physicien, ayant toujours, pour ainsi dire, la nature à ses ordres et ses instruments sous la main, peut à chaque instant vérifier et multiplier ses expériences, l'antiquaire, au contraire, est souvent obligé d'aller chercher au loin les morceaux de comparaison dont il a besoin. Et nous devons avouer que, malgré nos richesses en ce genre, ce n'est pas en France qu'un antiquaire trouverait le plus à s'instruire. Donc ce parallèle entre le travail du physicien et de l'antiquaire est évidemment tout à fait éloquent. Alors, Caylus a eu d'abord le projet d'apporter à l'homme de lettres des possibilités de vérifier ce que disent les auteurs anciens, chose très importante. Dans ce sens, il a fait un travail dont l'objectif était assez analogue à celui de Winckelmann. Mais ensuite, il a souhaité étudier fidèlement l'esprit et la main de l'artiste. Vous voyez que ceci est tout à fait en contradiction avec ce qu'il a dit dans l'épître aux académiciens. Donc, avoir dans ces monuments l'expression du goût qui régnait alors, qui régnait dans ces temps. Alors, deux aspects doivent être étudiés, me semble-t-il, par rapport à l'antiquaire. Son rapport à la philosophie et son rapport à l'histoire. Au XVIIIe siècle, l'antiquaire s'oppose et est souvent opposé dans des textes au philosophe. Ce dernier considère en effet que l'antiquaire est dépourvu d'esprit critique, qu'il est dépourvu d'esprit philosophique, qu'il incarne même la présomption et la vanité. Chardin a représenté un antiquaire dans son cabinet sous la forme d'un singe. L'attitude du philosophe Pope, par exemple, ou d'Horace Walpole, va tout à fait dans ce sens. Alors, il y a en même temps ce débat entre philosophe et antiquaire est intéressant parce qu'il révèle aussi qu'il se produit des mutations importantes au plan sociologique au XVIIIe siècle. La noblesse fréquente les sociétés savantes qui se multiplient en Europe et donnent naissance à ce qu'un historien de ces problèmes a nommé un nouvel humanisme. C'est d'Angleterre que partent le Grecian, le Celtic et le Gothic Revival, et ensuite c'est Renaissance ou Revival, c'est comme ça qu'il faut les appeler, et sème sur l'Europe. Alors, depuis, au fond, le Moyen-Âge, la majorité des historiens, ne tenaient pas vraiment compte des antiquités en tant que matériaux historiques. Ils leur préféraient, à ces matériaux historiques, l'autorité des historiens antiques, donc toujours la référence au texte, à la littérature artistique antique, et pour différents autres pays dont l'histoire commence à s'intéresser au Moyen-Âge, eh bien, on en restait au texte, là aussi, avant de consulter les documents. Les choses ont changé, je vous l'ai dit l'année dernière, à partir de, surtout de Mabillon, avec les travaux de Montfaucon. J'ai pris, j'allais dire presque au hasard, c'est pas tout à fait le cas, mais un texte qui me paraît tout à fait éloquent sur la conception que les historiens commencent à avoir au cours du XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle déjà, par rapport à ces documents visuels que constituent les médailles ou les, d'autres fragments de l'Antiquité. Il s'agit d'un extrait de l'histoire romaine des pères jésuites Catroux et Rouillet, paru en 1725. Souvent, disent-ils, les contradictions des différents historiens paraissaient difficiles à concilier, quand on lit les sources, quand on lit les textes. Souvent, leurs descriptions semblaient obscures et embarrassées. Souvent, leur narration se trouvait imparfaite et tronquée. Il était nécessaire, alors, de chercher des lumières ailleurs que dans les livres. D'emprunter du bronze et du marbre, de quoi s'instruire par ses yeux, ou de remplir les lacunes d'un écrivain par le témoignage d'un autre. Le travail comparatiste est ici donné comme une sorte de modèle du travail de l'historien, et en même temps, l'introduction dans les sources des objets, donc ce qu'on ne trouve pas dans les livres. Et parlant des antiquités romaines, ils disent ceci, comment ont-ils travaillé ? Ils expliquent un peu leur manière d'aborder l'histoire romaine. On ne l'a pas compilé, on est allé jusqu'aux sources. Combien d'auteurs au XVIIIe siècle reconnaissent, avouent qu'ils n'ont fait qu'un travail de compilation ? Non, ils sont allés aux sources. On a soumis les critiques eux-mêmes à la censure et l'on a eu le bonheur de porter les découvertes au-delà de leur vue. Les médailles, j'ai respecté l'orthographe, les médailles sont naturellement entrées dans le projet d'une histoire complète de la République romaine. Nous n'avons employé que celles des médailles qui peuvent servir à instruire le public par rapport à l'histoire. Aussi, c'est seulement par les historiens que nous les avons expliquées. Il n'y a ici aucun recours à un quelconque historien de l'art ou à un quelconque antiquaire même, hein, qui pourrait faire la jonction entre les deux. C'est en tant qu'historien que nous interprétons ces objets. Ils utilisent aussi bien les figures gravées, non pas, comme ils disent, pour le plaisir des yeux, mais pour confirmer des points d'histoire ou pour instruire de certains faits obscurs par des monuments empruntés de l'Antiquité. Donc, pas pour le plaisir des yeux. Vous voyez encore avec quel dédain les deux jésuites traitent l'amateur, le connaisseur, l'antiquaire. Il s'agit de s'instruire. Alors, tout cela est aussi un peu l'effet de ce que j'ai appelé tout à l'heure, ce que j'ai mentionné à un moment donné, le pyrrhonisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le pyrrhonisme historique, c'est-à-dire cette période où on va, à partir de la fin du XVIIe siècle, mettre les documents en doute, hein, l'esprit critique qui va s'emparer du philosophe, je dirais lui-même, mais qui s'empare aussi de l'historien. En 1682, Bell publie sa critique générale de l'histoire du calvinisme, où il dit notamment « En un mot, il n'y a point de filouterie plus grande que celle qui se peut exercer sur les monuments historiques. » Monument historique étant entendu ici au sens très large de tout document historique. Donc, il dénonce les pratiques de ce qu'il appelle ici la filouterie, c'est-à-dire la manipulation, en fait, des documents historiques par l'historien. Alors, cette époque qui voit la multiplication des sociétés savantes voit aussi la fondation à Göttingen, en Allemagne, en 1766, de l'Institut historique, où toute une école va se former d'historiens qui vont reconnaître de plus en plus l'importance des documents non écrits, donc des documents visuels. Et je dois ensuite aborder l'étude d'écoles, on pourrait les appeler ainsi, parce qu'elles ont un caractère nettement national, qui s'intéressent à l'antiquariat de l'Italie, de l'Angleterre et bientôt de la France. Ce sera le sujet du prochain cours. Et donc, comme les années précédentes, l'heure qui suit va être consacrée à la projection d'un certain nombre de documents dont je ne détiens pas de droit et par conséquent, je ne peux pas les faire diffuser sur Internet. Alors, nous faisons quelques instants de pause. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.